avant de, pas avant de commencer la deuxième partie, mais en commençant la deuxième partie, je vais vous faire une petite annonce commerciale. Il y a un cours demain, connaître son ego par l'équitation. J'aimerais ça que tu dises deux mots là-dessus. Un cheval, c'est fait bon. Deux mots. C'est bon. Ce cours, je vais vous le lire d'abord. Ce cours très particulier permet de se découvrir d'une façon très amusante. Le cheval est un puissant miroir de notre ego. Après un cours théorique, vous découvrirez par la pratique, tout en vous amusant, de quelle façon votre ego mène votre vie. Vous pourrez ainsi plus facilement apprendre à contrôler. Fait que le cours commence à 10h demain matin, c'est au bureau, sur la rue Saint-Denis, 74-83 Saint-Denis. Un cours théorique de 10h à 11h et quelques. Wow. Ouais. Puis après ça, c'est un cours pratique. Un cours pratique. Parce que c'est des chevaux de bois au début, au bureau. Après ça, c'est un film western. C'est ça? Cheval leur montrer comment on peut contrôler l'ego. Ça. C'est l'histoire du cheval de Troie. Et puis, après ça, pas après ça, oui, après ça, le 5 août, un dimanche. Et c'est un vrai politicien, une annonce. Une annonce, c'est ça. Le prochain PMC+, pour ceux qui n'ont pas vu dans le journal de l'aristocrate, c'est dimanche le 5 août. C'est réservé aux séminaristes de l'Académie, ceux qui ont déjà fait leur séminaire. Le titre, devenir une centrale d'énergie, passer de l'énergisation à l'énergie... Passer de l'énergisation à l'énergification. L'énergisation nous stimule temporairement. L'énergification nous construit véritablement. Ça se tient au château Vaudreuil de 10h à 22h. Le coût, c'est 150$, repas compris. 135 s'y inscrit avant le 22 juillet, qui est pour ça que je vous fais l'annonce, parce que le 22 juillet, c'est demain. Ou après-demain, en tout cas, c'est pas bientôt. Vous pouvez appeler au bureau pour faire les réservations. C'est encore juste des annonces? Ceci étant dit, j'ai quelques messages. Je sais pas s'il en manque une. Tout le monde l'a amené. Manille, une étrange boue noire jaillit des profondeurs de la terre à la suite d'un tremblement de terre. Quelle est la nature de ce phénomène? Est-ce qu'il y a un petit coup de main de la part des intéressés de ce soir? Il faut que je vérifie. T'as pas ton cellulaire, tu pourrais appeler. Oh, c'est même trop long que ça, puis en plus, il y a beaucoup de monde à table d'écoute. Non, le phénomène des tremblements de terre, le phénomène des ouragans, etc., ce n'est pas des mécaniques qui sont dirigées par ces maîtres du monde-là. Le contexte tellurique planétaire est dirigé par quelque chose d'autre qui complique un peu la mécanique évolutive. L'être humain est présentement extrêmement fatigué. Il est souvent très fatigué, surtout dans des contextes extrêmement industrialisés, là où la nature a souffert énormément. Alors, on appelle cela le stress, quand on dit on est fatigué. On prend du café, donc on sent moins la fatigue. On prend des médicaments, on sent moins la fatigue. Et en plus, on a toujours des stimulations extérieures qui font qu'on sent encore moins la fatigue. Mais imaginez que vous êtes dans une automobile, puis quand il y a une lumière rouge qui s'allume, ça veut dire « éteins ton moteur, c'est chaud ». Le café ou la pilule, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle vient déconnecter la lumière. Fait que nous, on se dit « ah non, moi ça va bien, pas de problème », puis on continue. Mais tout ce gruge, même si on n'en souffre plus, parce que c'est la souffrance finalement qui est la lumière rouge. Et pourquoi dans les contextes où la nature a énormément été détruite, ou est encore très détruite par la pollution ou par d'autres choses, la surexploitation, l'humain est-il très fatigué? On n'a pas le même plaisir énergétique de vivre que nos grands-parents avaient, pas aujourd'hui comme ils l'avaient à l'époque. On ne peut pas rester aussi longtemps qu'eux à rien faire, à admirer, à se nourrir énergétiquement d'un paysage. Simplement parce que plus on attaque la nature, plus l'énergie vitale qui sert à tout ce qui est animé, donc végétaux, animal et hominal, plus l'énergie vitale est canalisée vers la restructuration des mécaniques naturelles qui ont été endommagées ou détruites, ce qui nous laisse beaucoup moins d'énergie. La planète Terre, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas la même structure de vie que nous. C'est sûr qu'on peut dire, par exemple, que tout le système nerveux qui conduit des commandes électriques, telluriques, c'est les mines qui vont être exploitées, les mines de fer, les mines de cuivre, ces choses-là. On peut parler du pétrole, qui est le système lymphatique du système planétaire. Il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, c'est quelque chose qui est vivant, qui est animé de vie. C'est d'ailleurs d'elle qu'on a la vie. Quand on mange des choses vivantes, vous prenez une pomme, elle est verte, vous la placez sur une table, elle continue à mûrir, donc elle est pleine de vie. L'animal, lui, par contre, il a déjà beaucoup moins de vie. Si on prend un morceau de viande, on le met sur une table, il ne continue pas, il pourrit. Alors, il y a de la vie, on s'en sert, et plus on détruit de la nature, plus l'énergie vitale de la nature va essayer de restructurer pour entretenir, et on en manque. La Terre est vivante, il y a des mouvements, des évolutions, des mouvements de plaques tectoniques, c'est-à-dire qu'il y a des continents qui bougent, qui se promènent, et à un moment donné, ils se heurtent les uns aux autres, et cela va engendrer des tremblements de terre. Par la suite, il y a encore des forces qui sont assujetties au refroidissement de la planète. Plus la planète se refroidit, plus elle tend à diminuer de volume. Plus elle tend à diminuer de volume, plus cela augmente les pressions à la surface, les croûtes, ou là où c'est gelé. Et ça va encore, à un moment donné, engendrer des soubresauts, des petits tremblotements, à l'échelle de 7,58 à l'échelle de Richter. Et il y a sous terre énormément de mécanique aussi. Quand on parle d'ouragan, on parle d'épidémie, on parle de maladie, il y a beaucoup d'énergie qu'on appelle belzébutienne, en termes ésotériques, reliée à ce que l'Église appelle Belzébuth, un diable, quelque chose de mauvais. Ce sont des énergies telluriques, des énergies naturelles qui n'aiment pas l'homme, détestent le règne humain et qui, de temps en temps, s'arrangent pour en éliminer quelques-uns. Mais l'être humain est bâti d'énergie vitale. L'énergie vitale est ce qui est essentiel pour permettre les mutations, pour permettre l'amélioration de la conscience de certains humains. Je saute des détails. C'est dommage, c'est une grande question. Mais cette énergie vitale-là, à un moment donné, elle est rejetée par la planète Terre, surtout là où il y a des failles sismiques. Et c'est pourquoi, ésotériquement, on dit que l'humain bâtit toujours sa société près des bouches de la mer, la Terre, pour que la mer puisse lui parler. Puis c'est toujours sur des failles sismiques. C'est par là qu'il y a énormément d'énergie qui sort. Alors, la boue et ces choses-là sont des mécaniques beaucoup plus belzébutiennes, donc ça n'a rien à voir avec Shambhala ou Lagartha. Il semble y avoir un lien étroit entre la brume et l'énergie vitale. La brume semble fuir obstinément le lever du soleil, elle suit les cours d'eau. Quel est ce lien? Quel lien a-t-elle avec l'énergie astrale et psychologique? Bon. On va répondre ici. La brume suit les cours d'eau. La brume est constituée d'eau. Donc, la brume ne suit pas les cours d'eau, mais elle apparaît là où il y a de l'eau. Une chose. Par contre, semble avoir un lien avec la brume. Bon, l'énergie vitale. La brume semble fuir obstinément le lever du soleil. Elle suit les cours d'eau. Le soleil, c'est que la brume, c'est l'énergie vitale de type yin, donc tellurique. Le soleil, c'est de l'énergie vitale de type yang, donc solaire. Acupuncturalement parlant, on a de l'énergie yin et yang chez soi. L'énergie yin qui sera froid. Par exemple, vous avez des brûlements à l'estomac, vous avez probablement trop d'énergie yin au niveau du début du système intestinal, disons de l'estomac. Une personne a les extrémités froides, on va piquer pour stimuler une circulation d'énergie yin et un déplacement de l'énergie yin. Il y a trop de yin au niveau de ses extrémités. Alors, on parlera donc de yin et de yang, de froid et de chaud. On parlera aussi de la lune qui est yin, du soleil qui est yang. On parlera de la terre qui est effectivement yin. Donc, quand on a de la brume, c'est humide. Une brume chaude, c'est une brume yin et yannique. Bon, je vais passer des détails. Et pourquoi la brume disparaît? C'est parce qu'il y a de la chaleur qui apparaît, donc du yin. La chaleur, nécessairement, va accélérer, elle va énergiser le yin. Donc, elle va énergiser les molécules d'eau. Énergisant les molécules d'eau, elle va accélérer les molécules d'eau. Accélérant les molécules d'eau, ce qu'un micro-ondes fait, c'est ça. Accélérant les molécules d'eau, à un moment donné, les molécules prennent plus d'espace, donc se dissipent dans l'atmosphère. Alors, la brume, évidemment, elle est toujours là. Sauf que tu as un verre d'eau qui a créé un nuage de brume, puis maintenant, le nuage est réparti sur la planète. Fait qu'évidemment, on ne le voit plus trop. On en frappe une molécule de temps en temps, mais c'est plus assez pour que ça nous fasse un bleu. Quel lien y a-t-il entre elle et l'énergie astrale et psychologique? Ça, c'est autre chose. Les molécules d'oxygène et de carbone sont les molécules qui retiennent le plus d'informations astralisées, le plus d'informations psychologiques. Dans le sang, il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a de l'oxygène, il y a du gaz carbonique, il y a énormément de ce que tout à l'heure je disais l'âme. D'ailleurs, donc, des théologies comme celle des témoins de Jéhovah vont refuser les transfusions sanguines ou les greffes carrément. Mais aux Indes, dans certains pays encore, on a des personnages aujourd'hui qui vous payez 20, 30, 50 $, vous soyez à côté pendant une demi-heure, lui, il dit pas un mot. Après une demi-heure, vous repartez. Puis là, vous flottez. Vous êtes bien, vous êtes relaxé, vous avez respiré l'atmosphère du maître. Et c'est ce qu'on va dire aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il inspire, il ramasse de l'air, il imprègne nécessairement le gaz carbonique et l'oxygène qu'il va rejeter, puis vous, vous le respirez. Donc, vous, lentement, vous finissez, vu qu'il est plus puissant énergétiquement que vous, dans l'impression qu'il a sur le système carbonique et oxygène, vous finissez par être imprégné de ce qu'il est. Mais nécessairement, vous devrez repayer de temps en temps pour bénéficier de l'atmosphère du maître. Quand on rentre dans une maison et on dit que l'atmosphère est lourde, voilà, lourde de problème, veut pas ce qu'on respire. Et quand on est ensemble, on se collectivise toujours un petit peu aussi. L'énergie astrale et psychologique, c'est que dans l'eau, dans la vapeur d'eau, il y a de l'oxygène. Il y a de l'hydrogène qui est un carburant, l'oxygène qui est un comburant. Il y a de l'eau, il y a de l'oxygène. Donc, il y a nécessairement plus facilement, on aura... Il y a plus d'oxygène dans l'air, donc on aura plus facilement d'informations astralisées. Et dépendamment du lieu où on va ramasser ça, on peut avoir des stimulations psychologiques, donc astrales, qui vont déterminer par le lieu. Alors souvent, on va dire que la nuit, qui est très yin, allez dans la forêt, un peu avant le coucher du soleil, puis observez ceux qui perçoivent, et la majorité, on peut percevoir ça. Asseyez-vous simplement, puis attendez. Puis attendez que le soleil se couche. Vous allez percevoir, à un moment donné, subitement quelque chose qui monte du sol, quand le soleil disparaît. Et il ne fait pas juste noir, tout l'atmosphère est changée. Pourquoi? Parce que le soleil étant beaucoup plus puissant, l'énergie yin reste très, très, très, très près du sol. Quand le soleil se retire, l'énergie yin grimpe beaucoup plus haut. Et souvent, l'être humain qui recherche le yan, c'est-à-dire qui recherche des énergies qui ne sont pas uniquement telluriques, planétaires, donc des énergies extraterrestres, des énergies solaires, il a souvent divinisé le soleil. Bon, l'humain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que la connaissance ou l'évolution va vers la lumière. Alors, un point tel qu'on aura toujours l'impression que le diable, Satan ou les forces du mal viennent quand il fait noir. Alors, on dira, ce sont des forces noires. Pas à cause de leur couleur, à cause de le temps planétaire où ils devraient apparaître. Alors, on a peur la nuit, parce que nos yeux voient moins, c'est évident, et l'ego s'amuse à interpréter pas colorer, c'est sûr. Mais on a peur la nuit aussi parce que les forces yin sont beaucoup plus présentes, puis le yin est quelque chose qui... ne nourrit pas notre conscience évolutive. Par contre, on aura besoin pour nourrir le corps physique quand on dormira. Certaines personnes se nourriront de yin, pourront travailler la nuit et dormir le jour, mais la majorité, c'est l'inverse. Alors, le rapprochement qu'il y a, c'est que dans l'atmosphère humide, dans la vapeur, par exemple, il y a beaucoup plus de yin, l'eau est en yin. Le yin étant psychologiquement paniquant, on s'entend par paniquant, mais ça crée des stimulations intéressantes. Et dépendant de l'oxygène, il y a plus d'oxygène dans une atmosphère saturée d'eau. Donc, dépendamment de ce qu'il y a de codifié dans l'oxygène, on peut avoir des effets particuliers. En 1982, Maitreya s'est fait connaître mondialement par les journaux. Depuis ce temps, il demande sans cesse aux journalistes de le faire connaître afin d'être espéré par l'humanité. Le 22 avril dernier, lors d'une conférence devant un auditoire de hauts dignitaires et de journalistes, il se serait dématérialisé à plusieurs reprises. Pourquoi semble-t-il avoir tant besoin des médias s'il est si puissant qu'il le prétend? Fouillez dans certaines librairies ésotériques, puis vous allez voir, écrit par Benjamin Pockem et Crane, un livre sur les messages de Maitreya, je ne sais pas trop, là, je n'ai jamais été le voir réellement, mais je sais qu'il existe. Et là, vous l'ouvrez, puis vous allez voir. Premier message. « Ah, que je suis heureux d'être enfin parmi vous. » Puis là, on lit le message, puis ça finit avec « Bon, on se reverra ». Deuxième message. « Une joie immense m'inonde lorsque je m'approche de vous, que je me retrouve enfin parmi vous, mes frères. » Il a une soif intensive d'énergie humaine. Et il a besoin, nécessairement, d'être appuyé par la majorité des humains pour pouvoir parfaire toutes les réincarnations qu'il doit recevoir de tous ceux qui ont dirigé l'humanité dans l'époque de la cinquième race mère. Donc, que ce soit Odin, que ce soit Zarathustra, que ce soit aussi d'autres qui ont dirigé à travers les dirigeants, que ce soit Bouddha, donc Gautama, et un paquet d'autres. Il a énormément besoin d'énergie. Effectivement, en 82, il avait loué des espaces publicitaires, enfin, il faut s'entendre, des pages complètes dans la majorité des grands journaux. Alors, on avait eu le droit avec la presse de voir une page complète annonçant en quelques lignes la venue de Maitreya dans le Journal de Montréal, dans la Gazette et dans d'autres. Puis ça s'est fait un peu partout ailleurs. Il a un immense besoin de l'énergie des humains. Énergie émotive, pour pouvoir attirer les parties réincarnationnelles des anciens dirigeants, des guides humanitaires, et non pas des guides de lumière, qui ont émotivement, par une forme d'expression d'amour, dirigé l'humain. Il a besoin d'être aimé. Alors, on dit, il est si puissant que ça? Non. On parle de ce que sera Maitreya. Et si on lui donne énergie, il deviendra puissant. Et cette puissance-là sera une puissance qui servira contre l'intelligence. C'est comme ça que les choses se passent. Selon Benjamin Krem, Maitreya aurait un corps physique indestructible qui resterait sur la planète pendant 2500 ans. Quelle est la part de vérité dans cette affirmation? Si Maitreya est l'antéchrist, comment sera-t-il détruit? Bon, on se fout de savoir si c'est 2500 ou 2553 ou quelque chose comme ça, quand j'en conclue. Par contre, comment sera-t-il détruit si son corps est indestructible? On n'a rien à foutre de savoir si son corps est détruit indestructible ou pas. Maitreya, il peut bien exister. S'il n'est plus rien maîtrisé, il est détruit. Même la question s'en va de soi. Il se rapproche de l'énergie yin de la Terre. Non, mais quelle est la part de vérité dans cette affirmation? Faire une chose, faire attention à une chose. Il y a toujours 100% de vérité dans ce qui est dit, et souvent, il y a 2% de vérité dans ce qui est entendu. Alors, ça dépend donc de ce que chaque individu veut interpréter. Quand on disait que la Terre était plate, elle était réellement plate. Oui, mais on pouvait en faire le tour. Oui, on pouvait en faire le tour, mais elle était plate quand même. Quand on disait que la Terre était ronde, c'était vrai qu'elle était ronde. Puis quand on disait qu'elle était en forme de poire, bien, c'est vrai qu'elle était en forme de poire. L'important, c'est que tout ce qui était mené à un moment donné est en affinité avec les capacités de compréhension, de perception du règne humain. Imaginez que, voilà, pas tellement longtemps, quand on regardait la Terre, on voyait l'horizon à chaque côté, puis quand un bateau s'éloignait un peu trop, il tombait, il disparaissait, on ne voyait plus. Alors, allez pas dire aux gens que la Terre est ronde, puis qu'on tient en dessous. Il va prendre quelque chose, il va le mettre en dessous d'une table, il va le lâcher, ça va tomber à terre. Le bon sens humain va faire en sorte que vous êtes considéré comme un imbécile. Alors, la Terre était donc plate dans la conscience des gens, et c'était parfait. Quand la Terre a commencé à être ronde, c'était mieux, et etc., etc. On parle de 2500 ans. Est-ce que c'est vrai que le corps va être 2500 ans? Est-ce qu'il va se réincarner dans 75 corps pour parvenir à couvrir 2500 ans? Est-ce que 2500 ans, c'est 2500 ans de Brahma, 2500 ans chinois, 2500 ans des Anglais? Mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas tellement important. L'important, c'est combien de temps nous, on va être capable d'endurer l'évolution palpitante du contexte planétaire. Parmi les maîtres vivants possédant un corps physique, j'en connais deux qui semblent différents des autres. Orion, qui est au Québec, et Sai Baba, aux Indes. De quelle faction font-ils partie? Quel est leur rôle respectif? Bon, comme dans la majorité des questions se rapportant à des individus qui sont présents ou à des entités présentes, je n'aime pas trop répondre parce que ça crée des... Je vais esquisser un peu politiquement la réponse. Bon, Orion est celui qui va... Pas bout de temps qui est ici. Comme dit ma grand-mère, Orion, bien tout vu. Bon. Mais, Sai Baba est un maître... C'est pas un maître, c'est un grand initié. Orion aussi. Et Sai Baba est en train de s'éteindre. Et c'est Orion qui va prendre la relève. Orion, c'est une mécanique, on pourra à un moment donné s'amuser à revenir là-dessus, c'est une mécanique qui va jouer un rôle assez déterminant dans la structure évolutive du Québec, mais surtout pour les décennies à venir. Puis Sai Baba, c'est le Maitreya du passé, mais pas avec la même mécanique que celui qu'on a aujourd'hui. C'était un gardien de mémoire. Puis Orion va ramasser ça? Orion va être celui qui va transposer, interpréter, digérer pour le contexte américain ce que l'Inde avait. Quel est le rapport entre Shambhala, l'Agartha et les intraterrestres? Bon, ça aussi, c'est quand même assez grand à répondre, mais disons que Shambhala et l'Agartha, on a vu le rapport entre les deux. Les intraterrestres, qu'est-ce que c'est? Les intraterrestres sont des mécaniques qui existent depuis longtemps. La majorité de toutes les apparitions extraterrestres sont des apparitions intraterrestres, mais ça, l'humain ne le savait pas. Les intraterrestres ont des contacts avec Shambhala et l'Agartha, mais ce sont des contacts qui sont assez mitigés. Ils ont des contacts avec la majorité des nations, donc des gouvernements, surtout des gouvernements secrets, donc normalement des polices ou des services de contre-espionnage. Les intraterrestres ont une seule vision, c'est de monter à la surface pour conquérir le plan planétaire de façon à empêcher la destruction continuelle de leur génétique. Pour cela, ils ont besoin de recréer une atmosphère similaire à ce qu'ils vivent sous Terre présentement dans les cavernes, on parle de cavernes, mais c'est assez immense. Quand la Terre s'est refroidie, il y a eu des bulles de gaz, puis ça a créé d'immenses, immenses, immenses cavernes. C'est là-dedans qui sont confinées depuis déjà quelques milliers d'années. Et à l'intérieur, l'atmosphère est sulfureuse, l'atmosphère est nitreuse. C'est beaucoup plus chaud, mais la Terre se refroidissant, leur génétique tend à diminuer aussi, on en a déjà parlé un peu. Et c'est pourquoi ils vont s'arranger pour que les systèmes industriels créent énormément de pollution carbonique. Le gaz carbonique crée un effet de serre qui réchauffe le contexte planétaire, donc ralentit un peu et leur permettra d'avoir une surface intéressante. Les pluies et acides, anhydride sulfureux, anhydride nitreux, comme on le retrouve aussi sous terre. Les volcans ont créé énormément, ça va de soi, ça vient de sous terre. Ça améliore énormément. Leur système respiratoire est pas mal plus adapté à ça que notre système à nous, que le contexte écologique actuel. Et au niveau de la Gardelle Shambhala, il y a une espèce de plan de contact qui est fait, mais il n'y a pas d'entente encore, c'est réellement établi. Tout ce qui est évident, c'est que les deux s'attendent à un moment donné à attraper l'autre par en arrière. Et puis, pour parler après ça de chaque petit morceau d'entente, il y a des ententes, mais ça serait très, très, très, très long. Y a-t-il une raison ésotérique? Ben, disons que, juste une petite chose, oui. C'est que les intraterrestres qui ont besoin, c'est la génétique de l'humain. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont kidnappé des vaches, kidnappé des animaux, kidnappé des femmes enceintes, kidnappé des enfants. On en kidnappe régulièrement dans les parcs d'attractions, dans les immenses. Et on met des femmes enceintes, etc. Bon, on parlait souvent d'extraterrestres. C'est pas des extraterrestres, c'est des intraterrestres. Ils ont besoin de la génétique humaine pour faire un mélange génétique entre ce qu'ils sont et l'humain, de façon à pouvoir se réincarner chez l'humain par la suite et d'amener une descendance génétique humaine. Tandis que Shambhala et Lagartha, ce qu'ils ont besoin, eux, c'est de l'énergie de l'homme, l'énergie vitale et l'énergie astrale de l'humain. Les intraterrestres, c'est l'énergie physique. Alors, ils vont se le partager. Enfin, ils pensent. Y a-t-il une raison ésotérique à ce qui se passe actuellement avec les nations amérindiennes et le Québec? Si oui, quelle est-elle? Oui. Première chose qu'on peut dire, c'est que les Québécois sont en train d'apprendre des leçons des Indiens. Bon. C'est parce que, à un moment donné, il faudrait qu'ils mettent des barricades tout aussi. Le Québec, l'accord du lac Meech devait... le Québec, j'ai déjà dit, il y a bien longtemps, que probablement, il est déjà séparé énergétiquement, mais qu'il y aurait une séparation politique particulière, puis que c'était probablement Robert qui la ferait. Le lac Meech aurait probablement passé s'il n'y aurait pas eu un Indien pour dire non. Alors, l'Indien a été manipulé. Les Amérindiens, ce qu'ils ont... Premièrement, il faut comprendre certaines choses. C'est que si on fouille astralement, si on fouille dans les annales akashiques, si on fouille dans l'histoire réelle, non pas dans l'histoire écrite, on se rend compte que le peuple amérindien, que je respecte énormément, est un peuple qui n'est pas fondateur du Canada. Bon, il y a deux nations fondatrices, deux peuples fondateurs, ce sont des Anglais et des Français. Les Indiens de l'époque étaient des Indiens qui se battaient toujours entre eux, qui étaient extrêmement sauvages. Ils n'avaient pas de système écologique, ils n'avaient pas la puissance pour polluer et pour détruire, mais pour le reste, ça passait par là. Les Hurons font partie des six nations, comme les Iroquois, ils étaient toujours en train de se battre contre les Iroquois. Alors, on torturait à mort les prisonniers, puis un prisonnier qui ne parlait pas, eh bien, on l'adorait parce que Manitou, enfin, notre vision du Manitou, l'acceptait. C'était un honneur de mourir torturé chez des ennemis. Et sans arrêt, on avait des peuples, par exemple en Colombie-Britannique, ce qu'ils faisaient, c'est que les peuples amérindiens ont toujours été en guerre. Il n'y a jamais eu de paix ici, avant que les Blancs arrivent. En Colombie-Britannique, on avait des compétitions très originales. On dit que c'était des guerriers pacifiques, ben oui. Alors vous êtes une tribu, j'ai ma tribu, je vous invite, et puis là on fait une fête. Et puis là je vous gave, je vous donne des cadeaux, puis deux mois après vous m'invitez. Puis là, la guerre, c'est quoi? C'est que vous venez me donner des cadeaux plus précieux que ce que je vous ai donné. Puis si vous arrivez à le faire, je suis totalement frustré et insulté. Je vous déteste. Alors, je prépare un autre festin pour vous réinviter encore de façon à vous planter. Puis là, après ça, vous mourrez, bon, continuellement. Alors, c'est le fait qu'ils sont devenus des peuples relativement riches avec des grands totems, etc. Mais il y a toujours eu des guerres, qu'elles soient des guerres sanglantes ou des guerres qui n'étaient pas sanglantes. Puis ici, on a toujours eu des peuples qui s'entretuaient, que c'était les Micmacs, les Algonquins, les Montagnais, c'était des peuples qui étaient relativement violents. C'est sûr que quand les peuples ne pouvaient pas se toucher, si on regarde les Inuits, ils mangeaient de la viande crue, on les appelait Esquimaux pour ça, bon, ils ne pouvaient pas se toucher, d'accord, ils ne se battaient pas trop entre eux. C'est des peuples qui n'ont pas évolué. Quand la race blanche est arrivée ici, ils ont conquis, ils ont avancé les choses, et ils ont... dominé. Ils ont dominé à l'époque en chrétien. Alors, nécessairement, ils ont massacré, à pu finir tout ce qui n'était pas chrétien. Et ils ont fondé une nation. Une nation qui, à un moment donné, reconnaît au peuple autochtone des droits. Un autochtone ne paie pas de taxes. Un autochtone qui fait un emprunt, s'il ne rembourse pas, c'est pas grave. Le gouvernement fédéral rembourse. L'autochtone a des réserves. Oui, mais il n'est plus confiné aux réserves. Il a accès au Canada, il a accès au monde. Mais nous, on n'a pas accès au monde, parce qu'il y a des régions qui sont fermées, les réserves. Alors, il a accès aux bulldozers, il a accès aux avions, aux micro-ordinateurs, il a accès à tout. Mais en plus, il a des territoires où il fait la loi. Maintenant, il fait la loi chez lui. Le problème, c'est que dans chacune des réserves, il n'y a jamais eu la paix non plus. Il y a des exceptions. La majorité des réserves où il y a des exceptions, ils s'entendent bien avec les Blancs. Mais les autres réserves, toujours eu la guerre. Alors aujourd'hui, on est rendu avec un système de gouvernement reconnu par le peuple autochtone, qui est le système de direction de clan. Mais en plus, on a un système, les warriors, des guerriers, qui viennent maintenant dire que ce que le peuple a décidé, ça ne vaut rien, puis c'est les guerriers qui vont prendre dessus. Ce sont des terroristes. Alors, on pourrait parler du Front de libération du Québec qui va dire « c'est pour sauver le Québec, j'ai rien contre ». Ils étaient pacifiques, mais on les a démantelés avant qu'ils deviennent, parce qu'ils étaient pacifiques, ils ont fait quelques enlèvements, ils n'ont pas tué personne, il y a eu un accident avec Pierre Laporte. Mais ils étaient pacifiques, en ce sens que s'ils posaient des bombes, ils s'arrangeaient pour ne tuer personne. Mais ils seraient devenus. Alors, c'est facile de dire, bon, les warriors, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de ce que les autochtones veulent. Une revendication territoriale, c'est vrai. C'est sûr qu'à un moment donné, on dit une réserve ici, puis quelques 200-300 ans après, on vient la couper de moitié pour dire on met un golf. Ah, ben ça, c'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Sauf que ce qui va arriver par contre, c'est que les Amérindiens vont vendre des cigarettes qu'ils achètent pas de taxes, payent pas de taxes. Ils vont faire des casinos, c'est interdit, le territoire est différent. Ils ont des armes. On parle d'AK-47, de M16. On parle d'armes à possession restreinte ou même interdite. Mais ça, ils ont le droit. Moi, je vous garantis qu'acheter un territoire puis décider que vous bâtissez dessus, c'est un territoire zone agricole. On va vous dire démolir. Prenez une arme à feu, votre famille, placez-vous là, vous démolissez pas, vous êtes chez vous, vous polluez pas, vous défaites rien. La police va venir. Tuez un policier, c'est prison à vie pour vous. Mais continuez à résister, c'est l'artillerie lourde qui va aller vous déloger. Vous êtes Amérindien? Non. Et ça, c'est le problème des Québécois. Ils sont en train de recevoir des leçons des Amérindiens. C'est qu'un Blanc qui brûle un Blanc qui fait un arrêt sur un... ses roues ne sont pas totalement arrêtées sur un arrêt stop et qui passe, en mettant un policier donne une contravention. Si c'est un Noir, un Jaune, un Amérindien, il faudra que réellement il bafoue la loi. Parce que si on l'arrête, on recommence encore tous les problèmes de racisme. Alors, on les laisse faire. Là, les Amérindiens ont fait venir Amnesty International puis la Croix-Rouge pour enquêter. Les deux ont dit, il n'y a pas rien à enquêter. Il n'y a rien là. Vous n'êtes pas bafoués. Il y a eu des combats légaux. Les Indiens acceptent d'aller jouer devant les juges. S'ils perdent, on prend les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donnons-leur tout immédiatement. Parce que de toute façon, ils accepteront jamais de perdre. Qu'on aille chercher une partie de leur territoire, si c'est légal, c'est les mêmes lois. S'ils n'en veulent pas de nos lois, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'ils remettent notre linge, qu'ils remettent notre électricité, qu'ils remettent tout ce qu'on leur a amené. Parce que si légalement, vous vivez dans une société, vous vous engueulez avec le voisin pour une clôture placée sur un terrain. Vous allez en cours espérant gagner. Si vous perdez, soyez bon joueur, acceptez de perdre. Oui, mais ils sont corrompus, les deux. N'importe qui peut-être qui perdrait dirait ça. Mais une chose certaine, c'est qu'on élimine les tueries. Peut-être que c'est corrompu, mais au moins on ne s'entretue pas. Puis dans quelques années, on oubliera. Sinon, faisons d'autres lois. C'est sûr qu'il y a une solution, c'est de dire aux Indiens, on vous donne ce que vous voulez, et puis on met une frontière autour, puis on met des douanes. Faites ce que vous voulez là-dedans. Quand un citoyen rentre acheter une cigarette, quand il ressort, ils ont une taxe en sortant. On ne dira plus rien. Le problème, c'est que les Autochtones indiens, qui sont, mettons, 6 000, ils sont peut-être 600 000, on va dire, on les a exterminés. Il y a plus d'Indiens qu'il y en a aujourd'hui qu'il n'avait à l'époque avant, mais ils couvrent moins de territoire. Mais c'est normal, ils peuvent tout couvrir, ils restent en réserve. Imaginez, ils restent en réserve, des ghettos. Mais on ne les force pas à être en réserve maintenant. Bon, mais là, ce qui arrive, c'est que l'Autochtone, il dit, maintenant qu'on a ça, oui, mais moi, j'étais au Québec avant vous, je veux le Québec. Et moi, tout ce que j'ai à leur dire, écoute, ben, t'es venu au monde ici, mon petit, puis moi aussi, OK? Bon, fait que, tu sais, retourne dans le passé, puis va casser la gueule à mes ancêtres pour qu'ils me mettent au monde ici. Moi, j'ai rien contre. Mais entre toi et moi, t'étais là avant moi, t'étais pas là avant moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les peuples ont certains droits, ça va de soi. Au Québec, la problématique, c'est que les minorités ont plus de droits que les majorités. Et ça a toujours été le problème des Québécois. Mais en même temps, parce qu'il n'y a rien qui se tient, les minorités n'ont jamais réussi à convaincre ou à manipuler le peuple québécois qui n'existait pas. Alors, c'est évident que si on paye le territoire de quelqu'un, soit. Mais là, on tue un policier. On peut dire ce qu'on voudra, mais en tout cas, bon, c'est ce qu'il s'est tué lui-même, parce que, bon, c'est pas grave, mais s'il n'y aura pas eu le problème, il sera encore en vie. Ses enfants et sa femme pourraient le voir de temps en temps. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'au niveau du peuple autochtone qui revendique des choses, ils sont divisés en deux. Il y a des partis terroristes à l'intérieur qui manipulent totalement tout. La majorité même des bandes, de ceux qui dirigent. Allez à simplement Kanawagé. Alors, on a les peacekeepers, les gardiens de la paix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Si les deux warriors vous accrochent là-bas, les peacekeepers n'ont rien vu, ils s'en vont. C'est eux qui sont mandatés par le peuple autochtone, reconnus par les autochtones, accrédités par la Sûreté du Québec ou les pouvoirs nationaux canadiens. Donc, ils ont même leur police, mais on leur laisse. Le police, ça fait rien. J'ai un de mes amis qui est policier, on en sait. Vous faites une poursuite, vous rentrez à Kanawagé, vous savez pas ce qu'est le territoire. C'est les warriors qui viennent vous ramasser. Puis ils sont prêts, ils sont bien armés. Ils arment leur fusil automatique. Et il y a deux peacekeepers qui sont pointés par là. Puis ils ont réussi à convaincre les warriors de libérer les gars de la CUM. Puis ils se sont fait escorter jusqu'à la sortie. Qu'est-ce qui leur serait arrivé? Ça aurait été bien compliqué. Puis quoi qu'il serait arrivé, on n'aurait rien fait. Parce qu'il ne faut pas se mêler de tout ça. Ça remonte encore les problématiques. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a... Puis, encore une fois, je ne parle pas contre le peuple autochtone. Il y a toujours une grande nuance qu'il faut faire. Je peux détester un Africain ou un Haïtien, mais je ne dis pas que les Haïtiens sont détestables. Ça n'a rien à voir. Il y a, comme chez les Blancs, des terroristes, qui ont, comme en Angleterre, ont fait sauter des bombes n'importe où. Ah, on a raison politiquement, hein? C'est l'IRA qui fait ça. Ils ont raison politiquement. Puis ceux qui meurent là-dedans, il n'y a pas d'anglais. Mais... Dans ces trucs-là, ici, on a la même problématique. On peut régler énormément. Les Blancs sont extrêmement, les Québécois surtout, ils sont extrêmement négociateurs. C'est un défaut en étant une grande qualité. Et ça a toujours été le problème des peuples plus évolués, c'est que leur qualité a toujours servi de défaut. Imaginez, je suis violent, je vous déteste. Vous savez, on a une clôture, on a chacun nos terrains. Alors, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que moi, je décide de prendre ma clôture, là, puis j'attasse 20 pieds sur votre terrain. Là, vous venez pour négocier, je vous donne une claque en pleine face. Fini là. Oui, vous êtes les plus évolués, hein? Oui, moi, tout avoir, moi. Sûr. Sauf si, à un moment donné, il arrive un peuple qui a été longtemps rejeté, puis c'est les États-Unis d'Amérique, puis c'est ce peuple-là qui, dans l'avenir, va restabiliser énormément de choses pour réengendrer, enfin, amener le 13 800 ans de paix. C'est que ceux qui évoluent ne sont plus capables de se défendre, n'en voient plus l'utilité non plus, et ça sert toujours au profit de ceux qui ne comprennent pas. Et c'est toujours un gros problème. Alors, comme chez les Autochtones, la majorité sont pacifiques, la majorité... ils vont profiter de l'occasion. Si je serais un Indien, je profiterais de l'occasion, maudit. On bloque un pont, ça coûte des millions de dollars par jour juste pour maintenir la police à Oka, mais ça, sans compter ce que ça coûte juste à faire le tour. Ils ont mis de la dynamite sur le pont pour le faire sauter en cas de. Bon, c'est éprouvé. Alors, dernièrement, ils vont, une fois qu'ils vont le rouvrir, ils vont l'inspecter au complet parce qu'il y a eu des dommages. Oui, oui, certain. Ils vont inspecter, à jumelles de loin, ça va. Ils vont inspecter. Mais je profiterai de l'occasion. Puis je ne suis pas une personne guerrière. Mais la problématique, c'est qu'il y a des individus là-dedans, ici, qui font souffrir les Autochtones. Vous crevez de faim, c'est pas grave, on reste là. Ils ont besoin de se battre, ils ont besoin. Ce sont des réincarnations de guerriers, et ce sont de guerriers de l'époque. On est dans un temps où la majorité du passé revient. Et ce sont des réincarnations de personnes qui ont besoin de se battre. Et la majorité, 80% des warriors d'Oka viennent des États-Unis. Bon, en partant, dès qu'on parle. Alors, c'est une chose qui... qu'est-ce qu'ils ont à... Le Québec va apprendre beaucoup. Je suis allé aux États-Unis cette semaine. Puis justement, en parlant d'être gentleman dans les règlements, dans l'État de la Floride, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les gens qui vendaient de la drogue, etc. Puis comme ça prenait énormément de temps à régler en cours, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ont fait un règlement interne à la Floride. Puis s'ils arrêtent quelqu'un avec qui vend de la drogue, ils l'arrêtent, ils mettent le feu dans la maison, à télévision. Cette semaine, j'en ai vu trois soirs. Ils ont brûlé trois maisons pour montrer aux autres que si vous voulez vendre de la drogue, allez en vendre ailleurs qu'en Floride. On va dire que c'est stupide. Ils mettent le feu, puis après ça, ils vont en cours. Voilà, mais il y a uniquement le peuple américain qui peut faire ça. Ils sont bons. Les Américains sont pas mauvais. Ils sont bons. Regardez la quantité de steak, la quantité de dons. Il y a un prêtre qui a dit, Dieu m'a dit de collecter 6 millions ou je ne sais plus combien, 60 millions. Sinon, je me suicide telle date. Mais il l'a collecté. Sérieux? Bon, il l'a collecté. S'il était venu chez nous, il serait mort. il serait mort. Alors, on regarde, par exemple, l'organisation... Mon Dieu, m'a dit que tu mourrais. Le parrainage mondial, c'est les Américains. Bon, quand il y a tout un tremblement de terre, des ici, des ça, les premiers envoyés, en tout cas, ils vont, les Américains. Les Canadiens aussi, c'est un bon peuple. C'est un peuple américain, de toute façon. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est les seuls qui vont être capables de dire « Il y a de la merde là-bas, là, on ne peut plus rien faire. Ben, on va y aller, envoyer l'armée, envoyer ce que vous voudrez, clairez ça. » Mais on est triste, mais on va le faire. Nous autres, on est triste, puis on va attendre longtemps. Mais le Québécois, c'est ça. Ça forge le Québec. Quand il va se réveiller, il ne sera pas plus violent. Il faut faire attention, j'ai dit qu'il peut être une nouvelle Allemagne. Une Allemagne style Albert Einstein, c'est possible. Donc, de génie. Ou une Allemagne style Adolf Hitler, ça pourrait aussi. Mais parce qu'un peuple en colère, un peuple qui ramasse, quand il éclate, il est dangereux. Il est prêt à tout conquérir. C'est ce que les Amérindiens font. Ils se disent, ça fait 300 ans qu'on est bafoué. Encore une fois, c'est pas vrai, ils sont venus au monde-là. OK, il y a des réincarnations, etc. Ils ont un peu raison dans ce qu'ils vont vibrer. Mais la façon dont ils procèdent, ils procèdent d'une façon qui n'est pas typique des terres américaines. On ne prend pas les armes, fait des barricades, puis tirer sur le monde, etc. Uniquement, on ne règle pas ça comme ça ici. Ce n'est pas américain. Bon. Et ça, les Américains vont bouger dans l'avenir, puis c'est eux d'ailleurs qui vont nous protéger. Si on réincarne des Allemands, je vais me couper la moustache. Quelle est la fonction du quartz chez l'être humain? Ben là, c'est quark. Bon, Krishnamurti est la réincarnation de quel personnage? Quelle est la réincarnation de l'ego de Jésus? Bon, donc, quelle est la fonction du quark chez l'être humain? Alors là, la question est, si c'est le quark, les quarks, c'est très long à jaser, puis c'est le quartz, mais je pense pas que c'est le quartz, ça serait les cristaux, ce serait long aussi à expliquer. Fait que je préfère, on va la conserver si on a le temps, avec la quantité que tu as là, avec tout ce que j'ai dit. Je suis à ma première réunion. Si j'ai bien saisi, il ne faut pas appartenir à aucune des deux cités, Shambhala et Lagartha. J'ai toujours senti que j'étais un être qui n'appartenait à rien et je me suis toujours senti à part. Est-ce que c'est normal? Normal, non. Mais naturel, oui. Il faut s'appartenir à soi. C'est épeurant. Appartenir à une religion ou à Shambhala ou à Lagartha, c'est sécurisant. Mais on ne sait pas plus ce qu'ils vont. Mais tant qu'à être appartenu à quelque chose qu'on ne sait pas où qu'ils vont, autant appartenir à soi. On ne le sait pas plus, mais au moins, on est à soi. Un groupe d'entités nous ont demandé de se purifier et qu'ils auront à canaliser notre énergie par une certaine intervention. Est-ce que ces groupes ou guides spirituels sont des serviteurs de Shambhala? Je suis certaine, c'est qu'ils ont besoin de votre purification pour s'alimenter. Est-ce que Shambhala fait partie d'une mécanique intraterrestre? Ça t'a déjà répondu. Shambhala est près des mécaniques intraterrestres, comme j'ai expliqué. Lagartha un peu aussi. Mais ce n'est pas les intraterrestres ne dirigent pas cela. Il y a un autre phénomène cosmique beaucoup plus gros qui dirige toute la mécanique au complet. Est-ce que ces maîtres du monde vivent dans des corps physiques? Quelques rares. La majorité est plus maintenant. Les corps ne sont pas suffisamment solides pour les maintenir. Qu'est-il devenu de leur corps? Les corps ont été terrifiés dans certains cas, comme celui du Nazaréen, c'est-à-dire que le corps devient un corps de lumière. Donc, atomiquement parlant, il n'a plus la forme matérielle qu'on a là, il dégage trop d'énergie. Et certains autres corps ont simplement été détruits. Ils sont pourris, digérés par la planète, puis mangés par les microbes. Je n'ai pas fait des corps morts. Connaître son ego à travers l'équitation, cela me fait sourire. Pourriez-vous m'éclaircir? Ah, mais le sourire est un phénomène normal. Ça dépend où vous êtes assis, on peut vous éclaircir par ici. Mm-hmm. Pour éclaircir. C'est extrêmement simple, c'est que notre ego s'exprime continuellement chez nous. Et si vous criez, est-ce que vous vouliez crier? Non? Alors c'est votre ego qui criait. L'humain qui évolue un peu finit par avoir un grand discernement entre son mental, entre ce qu'il est lui, puis entre ce qu'il n'est pas. Alors, comme je dis souvent, vous voulez suivre un régime, il y a une pomme, il y a un gâteau, puis là, vous devez toujours vous battre à savoir si vous prenez le gâteau ou la pomme. Et vous savez qu'est-ce que vous devriez faire? Oui, faites-le. Vous n'êtes pas capable? Il y a un ego qui contrôle le corps. C'est un colocataire. Et le cheval, il a aussi un ego, il a une psychologie, mais le cheval a une psychologie beaucoup plus faible. Et les chevaux qui sont dressés, les chevaux de selle, les chevaux vaches un peu, là, les chevaux qui suivent n'importe quoi et qui sont bébés neutres, ont la capacité de... Inconsciemment, ils vivent une forme de fusion avec l'ego du cavalier. Et ce qui arrive, c'est très facile à voir quand une personne qui n'a pas fait beaucoup d'équitation ou jamais, lorsqu'elle monte à cheval, le cheval s'ajuste immédiatement à la personne, à ce qu'elle est en psychologie. Alors, je ne dis pas que la personne... On a des personnes, bon, le cheval passe son temps à retourner pour rentrer dans l'écurie. Bon. Alors, la personne, mais si on regarde sa vie, on va se rendre compte qu'effectivement, la personne, elle aime bien ça, sa maison, elle ne voyage pas souvent, elle aime rester chez elle, elle n'est pas fonceuse, le neuf, elle ne court pas après. La personne peut dire, non, c'est pas vrai, moi j'aime ça le neuf, j'aime ça voyager. D'accord. Puis quand, est-ce que tu as déjà fait des voyages? Oui. Bon. Puis un mois, deux mois avant ton voyage, passe ton temps à remettre en question ton voyage? Ah ben oui, ça arrive. Ça, c'est ton ego. Puis le cheval, c'est exactement ce qu'il fait. C'est sûr que tu peux forcer le cheval à pas aller à l'écurie. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont là, qui donnent des coups de talons au cheval, qui crient, qui purgent, le cheval bouge pas. T'as un mauvais cheval, c'est vrai, t'es un mauvais ego. On débarque la personne, on met une autre personne, puis le cheval se met à avancer. Il y a énormément de choses comme ça. Il y a un cours théorique qu'on va donner pour que la personne, pour qu'elle discerne l'ego de ce qu'elle est elle. Et après ça, on va voir aussi de quelle façon on peut voir. Le cheval, c'est un très bon miroir. Et en plus, moi, j'aime bien qu'on apprenne des choses en s'amusant. Alors, ça nous permet de voir du terrain, de voir la nature un peu. Ça nous fait découvrir peut-être un autre sport qu'on peut très, très bien pratiquer ici. Un bon cavalier peut plus apprendre avec son ego. Pourquoi? Parce que quand il embarque dessus, l'ego a une mémoire d'intervention qui plante le cheval. Le cheval écoute. On parle donc d'une personne qui n'a pas fait beaucoup d'équitation ou jamais. Et une personne peut apprendre assez rapidement sur tout ce qu'elle fait juste à regarder le cheval. Mais les autres aussi, ils voient le cheval, c'est gros ça. C'est normalement assez comique, on s'amuse beaucoup. C'est un petit déco privé? Non, le cheval doit être là. J'espère. Qu'arriverait-il aux êtres d'Agartha et de Shambhala Qu'arriverait-il aux êtres d'Agartha et de Shambhala s'ils n'auraient plus cette si belle nourriture que nous leur donnons aussi gratuitement? Premièrement, colère, frustration, grande souffrance et fusion. Entre eux? Non, avec l'humain, avec l'humanité. Ils seraient obligés de mourir à ce qu'ils sont pour devenir quelque chose de plus évolutif, de plus facilement évolutif. Donc, pour eux, ce serait comme retourner en arrière. Ils seraient mostrés encore dans des corps physiques qui, à l'époque, étaient comme une chose à rejeter. On les mortifiait, les corps physiques, on les massacrait, on les brûlait, on se faisait mal, on les nourrissait pas, on jeûnait. Bon, le corps était à rejeter. Eux, ils ont réussi à se libérer de la carcasse. On lui faisait faire de l'équitation. Oui, c'est ça. Oui, ce serait intéressant. Alors, par contre, pour eux, ça sera comme une forme de mort, ce qui fait que normalement, ça va engendrer, quand je parle de colère, ils vont s'arranger pour mettre un peu plus pour forcer l'humain à vivre plus mal, pour que l'humain sécrète plus. Frustration, ça ne fonctionne pas, alors là, ils vont paniquer. On dit que c'est des grands maîtres, ils ne devraient pas paniquer, mais il faut s'entendre, c'est pas une panique astralisée, c'est une panique énergétique, ils vont avoir faim. Et donc, normalement, ça devrait précipiter l'âge de fer au niveau des problèmes. Et par la suite, bien, ça va tout se placer. Mais est-ce qu'il serait digéré par l'humain ou il se fusionnerait puis prendrait le dessus? Au départ, il digérerait certains humains. Et puis progressivement, il finirait par se faire digérer par les humains. On se servirait de leur énergie, on se servirait de tout ce qu'ils ont de bon, parce qu'ils ont des choses extraordinairement bonnes, mais ils sont mal pris. Et eux se serviraient de nous sans nous diriger. C'est-à-dire qu'ils bénéficieraient du fait qu'on les aurait digérés. Peux-tu m'éclairer? Probablement. Je suis natif de Capcha et tu as parlé la semaine dernière d'un ancien temple qui est situé géographiquement dans ce coin. Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter éventuellement? Capcha, c'est intéressant parce que ce que j'ai parlé, c'était au niveau, par exemple, des montagnes du Chic-Choc. Mais Capcha, c'est génial aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de légendes ou de légendes de sorcellerie noire à Capcha. Alors, la personne, si elle ne connaît pas trop, elle peut s'informer là-bas, mais il y a des très, très bonnes légendes sur certains phénomènes montagneux, puis des bruits qu'on entend, puis des choses comme ça, puis bon. Puis dans la région aussi, pas juste à Capcha, mais un peu ailleurs. C'est intéressant. Ce que je parlais simplement, c'est que les Templiers ont caché, le trésor des Templiers n'a jamais été trouvé, puis le trésor des Templiers est simplement caché dans les montagnes du Chic-Choc. Et, bon, là, on peut s'informer, là, je ne veux pas prendre trop de temps, vu que j'en ai déjà parlé un petit peu, même souvent dans certaines conférences. Mais le mont Chic-Choc lui-même, c'est que ce sont des mots indiens qui parlent uniquement de mal, de maléfices, de problèmes, de noirs. Quand les Blancs sont arrivés là, ils ont rebaptisé les montagnes et tout ce qu'il y a dessus. Alors, on a maintenant l'étape de Moïse qui est un pivot. On a la rivière du diable, on a le lac du diable, on a les chutes du diable, on a les portes de l'enfer. Bref, ils ont tout rebaptisé en français, mais avec des choses aussi maléfiques. La rivière du diable mène au lac Notre-Dame. Notre-Dame est la mère des Templiers. Et si on regarde encore une fois juste au niveau de la montagne, eh bien, on peut faire de l'étude géologique tout partout dans les montagnes de Gaspésie, ça veut dire de Saint-Anne-des-Monts en descendant, même un peu avant, et on se rend compte que les montagnes sont normales. Sauf que le plateau du mont Chic-Choc, c'est une montagne qui est à l'envers. C'est-à-dire que si on la revire de bord puis qu'on la replante, eh bien, la montagne est correcte. Le plateau, il est droit. Le fond qui est là, c'est un fond typique de ce qu'on a dans l'océan. Et si on creuse pour aller chercher des carottes, on creuse pour faire des études géologiques, on se rend compte que plus on s'enfonce, plus on se rapproche du sommet d'une montagne. Alors que partout ailleurs, plus tu t'enfonces, plus tu te rapproches de la base de la montagne. Alors la montagne est à l'envers, totalement à l'envers. Et c'est un climat arctique polaire qui se trouve en haut sur la montagne Chic-Choc. Et puis, il y a plusieurs phénomènes très, très intéressants, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau ovnique, que ce soit au niveau énergétique, etc., etc. Mais il y a un cheminement initiatique, il y a des messages de ceux-là par l'ordre du Temple, qui sont venus ici avec des Teutons, avec les Vikings. Et c'est de ce que je parlais, entre autres. À côté, il y a une montagne qui s'appelle le Mont de la Table, puis il y a le lac aussi de la Table, qui est au sommet d'une montagne de la même altitude que le Mont Chic-Choc. Est-ce que ça a un rapport avec la Table ronde? Mais tout a un rapport à plein de choses. Tu vas peut-être y aller sur le Mont de la Table? La semaine prochaine, peut-être. Bon, peut-être qu'il ne t'ira pas là non plus, remarque bien. Ça va. Pourquoi Shambhala est enseigné comme côté blanc et Agartha comme côté noir? Est-ce que vous, c'est le contraire? Non, moi, je n'enseigne rien. Je dis simplement que Shambhala, c'est quelque chose qui, traditionnellement, a toujours été blanc parce que ça date de longtemps. L'Agartha a enfermé Shambhala, les maîtres de Shambhala. Donc, pour tous ceux qui étaient reliés à Shambhala, l'Agartha est devenu quelque chose de noir. L'Agartha est apparu après. Et en ce qui me concerne, moi, c'est que tout ce qui est, à un moment donné, yavik, donc blanc positif au niveau de l'évolution, finit souvent par devenir satanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a atteint ce qu'il avait à nous amener, il fait tout pour qu'on n'ait pas pouvoir ailleurs. Et présentement, Shambhala et l'Agartha, c'est la même chose, c'est-à-dire ce sont des mécaniques qui sont extrêmement utiles encore pour beaucoup d'humains, mais qui seront de plus en plus néfastes pour de plus en plus d'humains. À quelle énergie était relié Don Juan, le sorcier Yagi, qui a initié Carlos Castaneda? Sa façon de s'y prendre était très intelligente. T'es rusé. Une autre question après. Bon, probablement Carlos Castaneda a appris avec le peyote, entre autres, une forme de drogue tirée de certains champignons, de plantes. Il a découvert le monde astral, il a découvert le monde tellurique. Toute l'histoire de Carlos Castaneda, c'est une histoire où le bonhomme pénètre les énergies belzébuciennes. Et le sorcier en question est un sorcier belzébucien, c'est-à-dire c'est un personnage qui fait de la magie noire. Parce qu'il a suffisamment évolué, cette magie noire devient pacifique, mais c'est uniquement une magie basée sur les forces naturelles. Et avec une magie, dans une magie ou une forme d'évolution comme celle-là, on peut effectivement prendre des drogues naturelles. Et là, il aura des apparitions, il aura des trucs qui sont uniquement reliés aux énergies telluriques. Alors, le bonhomme en question, ce n'est pas un grand maître, c'est un initié. Ce n'est pas un grand initié, c'est un initié. Un initié aux forces de Merlin, un initié aux forces telluriques, un initié capable de jouer, c'est un prestidigitateur réel. C'est-à-dire qu'il joue avec les choses de la nature et la drogue va faire en sorte d'augmenter le potentiel vibratoire d'un cerveau et d'un système endocrinien, dans le cas Carlos, pour qu'il arrive à voir les choses qui ont toujours été là, mais qu'un voyant peut voir, mais que la majorité des personnes ne peuvent pas voir. C'est une forme de magie typique des forces belzébuciennes. Ce n'est pas relié à des... Ce n'est pas évolutif, mais dans le cas de Carlos Castaneda, qui lui était évolutif, ça lui a permis de voir certaines choses, mais dans ses derniers écrits, il rejette totalement l'usage des drogues. Quelle est la relation entre Yolande Guérard, René Lévesque et Alexandre Lachance? Ben, la relation était simplement qu'ils étaient tous les trois assujettis aux mécaniques du comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain est celui qui a, en 1300, réalimenté la franc-maçonnerie. Il va la réalimenter vers 1700, il va la réalimenter plus tard aussi en Angleterre. C'est celui qui va mettre sur pied, sous le nom de Christian Rosenkreuz, l'ordre rosicrucien. Et Alexandre Lachance était dans les deux ordres. Et j'ai expliqué aussi la conférence de la semaine dernière que Lazare, finalement, qui avait reçu, disons, du Nazaréen, Pierre avait reçu la capacité de cacher les choses, alors que Lazare, ou Saint-Germain, ou Thomas Paine, qui a écrit l'acte de l'indépendance des États-Unis, et ce personnage en question, lui, avait un pouvoir sur les forces du bien et les forces du mal de façon à manipuler l'humanité au complet. Alors, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, quand on parlait un peu des grands initiés. La relation entre les trois, c'est qu'énergétiquement, ils étaient de très, très grandes antennes au niveau du Québec pour recevoir des informations traditionnelles et ils se sont simplement dissous à travers le peuple québécois. Ce qui fait que le peuple québécois devient beaucoup plus cimenté, beaucoup plus ésotériquement une nation. René Lévesque a eu des obsèques nationales, et il y a eu énormément de gens qui ont été là, et par la suite, même le Parti libéral ne savait plus s'il fallait... Puis d'ailleurs, c'est les libéraux qui organisaient les obsèques, c'était pas le PQ qui était au pouvoir. Et on pourrait parler de plusieurs choses, mais il y a encore trop de personnes rattachées à ces familles-là qui sont vivantes, puis c'est pas nécessairement nécessaire. Mais ensemble, ils travaillaient énergétiquement, consciemment ou pas, pour exactement la même chose. C'est-à-dire créer un Québec totalement indépendant et puissamment ésotérique. Félix Leclerc, lui, ça a été beaucoup plus privé. Oui, Félix Leclerc, c'est un Québécois. Est-il vrai que si l'on meurt et on ne suit pas la lumière dorée dont parlent plusieurs personnages, on se réincarne consciemment? J'aimerais que tu expliques. Quand l'âme quitte le corps, elle se ramasse dans un plan qu'on appelle le plan moronciel, un plan transitif. Une personne dont le corps physique est réanimable va revenir. Alors, elle nous racontera ce qu'elle a vu. Pourquoi? Parce qu'elle était morte physiquement, disons, mais avec une réanimation cardio-respiratoire et cérébrale, on peut la réanimer. Elle n'était pas morte de la deuxième mort, celle où on gagne le monde de la mort. Alors, on la ramène. Les personnes, qu'est-ce qu'ils nous comptent? Ils nous comptent qu'ils ont vu des êtres de lumière, ils ont vu des choses extraordinaires. Bon. Si on suit ces lumières-là, il y en a toujours, on va se diriger vers le monde de la mort. Pénétrant le monde de la mort, on ne revient pas, on est digéré dans le monde de la mort. Si on meurt physiquement et qu'on ne suit pas ces lumières et qu'on se réincarne, on n'a pas été digéré, donc on est ce qu'on est. Et nécessairement, on reviendrait consciemment. C'est qu'il y a un problème. Lequel? C'est là qu'il poserait la question. Hein? C'est que l'être humain qui n'a pas de double éthérique suffisamment constitué, donc un double de sa conscience évolutive dans le monde de la mort, dans le plan moronciel, qu'on appelle aussi antiquement le plan éthérique, l'être humain qui n'a pas de double moronciel, donc nécessairement, soit qu'il sera réincarné en petits morceaux à travers des individus capables de le recevoir, donc il ne se réincarne pas consciemment, soit qu'il va de toute façon suivre les lumières, donc les guides qui viennent le chercher, et intégrer le monde de la mort. Donc, l'individu doit avoir un double moronciel pour pouvoir le rejoindre. Et lui se réincarnera à un moment donné dans un corps physique déjà avancé ou naissant ou en gestation. Et il se rappellera de ce qu'il a été au fur et à mesure de l'épanouissement du corps physique. Son double va l'attirer plus que la lumière. Oui. Et pour créer un double éthérique, un double moronciel, il faut donc passer par les processus de la supramentalisation de l'âme, de la femme et de l'enfant. Cela veut dire qu'on doit s'énégoïser. S'énégoïser, cela veut dire faire fondre l'ego. Passer de la moulée en viande. Ça veut dire être transparent. Ça veut dire être joyeux. Ça veut dire être heureux. Et non pas rechercher le bonheur typique de l'humain. Là, je suis heureux uniquement quand ceci, quand cela, etc. Ça veut dire avoir un mental suffisamment puissant pour diriger notre ego. Ça veut dire devenir un peu plus le maître contrôleur à bord. Ça veut dire ne jamais se prendre au sérieux, mais vivre un peu plus sérieusement. Donc, on perd plus de temps à chioler, pas crier, pas se plaindre de la pipi du beau temps. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en méditation. Ça veut dire qu'on bénéficie des énergies qui passent. C'est très simple. Mais l'humain doit nécessairement passer par certaines choses qu'on a parlé à travers un paquet de conférences. Une des grandes façons de s'anégoïser, par exemple, c'est de développer l'amour intelligent. Je dis ça pourquoi? Pas pour vendre des prochaines conférences du mois d'août, mais c'est parce que les gens intéressés à ce que je dis là, mais on va de toute façon le toucher au mois d'août. Il y a d'autres façons qu'on a déjà parlé, mais ça, c'est à un moment donné, je ne peux pas tout répéter en même temps. Mais on passait un mois sur le mois d'août avec des choses quand même assez neuves. On parle juste, par exemple, la négoïsation, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène qu'on a moins d'ego. Moins d'ego, ça veut-tu dire qu'on a moins de conscience? Oh non! Mais ça veut dire qu'on a moins d'ego. Ça veut dire qu'on est moins frustrable, moins manipulable par les événements extérieurs. Par un automobile qui nous coupe, par une crevaison, par la pluie, par n'importe quoi. Moins manipulable, ça veut dire qu'on sécrète moins. Si on sécrète moins, on nourrit moins les conneries qui continuent à nous manipuler. Si on parle d'amour intelligent à travers la négoïsation, pour vivre l'amour intelligent, nécessairement, il faut se négoïser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finit par cesser d'aimer quelqu'un uniquement pour ce qu'il nous rapporte. Et on ne parle pas de philosophie. On finit par ne plus aimer quelqu'un uniquement pour ce qu'il nous rapporte. La personne n'est pas là, on l'aime pareil. La personne s'en va avec un autre, on l'aime quand même. Il n'y a aucun problème. Et on ne parle pas de maladie non plus. Ce n'est pas être malade que d'aimer sans souffrir. Mais pour arriver à l'amour intelligent, il y a plusieurs facteurs à l'intérieur de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour astral. Le corps astral a besoin de se nourrir. Une personne, qu'est-ce que c'est une nourriture astrale? On mange physiquement. Quand on a faim physique, qu'est-ce qu'on a? On appelle ça la faim. Quand on a faim vitalement, on appelle ça comment? On appelle ça fatigue. Quand on a faim astralement, on appelle ça comment? On appelle ça ennui. Bon, on peut avoir une faim mentale aussi. L'individu a faim astralement, a besoin d'énergie astrale, a besoin de nourriture. Mais son ego va en profiter, l'ego draine une partie de la nourriture. Si l'être humain s'en égoïse, ça va être mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il peut avoir le goût d'une relation sexuelle. Il peut même se masturber. Il peut manger énormément. Il va se nourrir astralement, toujours au détriment de son corps physique. L'individu qui s'en égoïse, l'individu qui découvre d'autres facettes, surtout au niveau des phénomènes de l'amour intelligent, ces choses-là, l'individu qui s'en égoïse, lentement, va avoir suffisamment d'énergie, et là, il va commencer à créer un double éthérique. Comment il le fait? Il n'y a rien à faire. Ça va se faire. Et progressivement, le double éthérique va engendrer un contact avec sa conscience, son esprit, donc avec le phénomène supramental, par un ajusteur de pensée. La pensée, c'est l'ego qui amène ça. On pense, on vient pour dormir, puis on n'arrive pas à dormir, ça pense dans notre tête. Bon, c'est l'ego qui est là. On ne contrôle pas la pensée. On pense qu'on pense, on parle, on contrôle. Parlez dans votre tête, immédiatement, vous êtes capable. Cessez de parler, vous êtes capable. Pensez, vous n'êtes pas capable. Ça va se mettre à penser tout seul. Cessez de penser, on continue à penser tout seul. Là, on doit travailler pour que ça cesse de penser. Des coups, ça arrive en arrière. On travaille encore, puis ça repasse ici. Mais quand on parle dans sa tête, cessez de parler, fini. Vous allez entendre, vous ne parlez plus. C'est plus vous, vous laissez la pensée. L'être humain qui s'en égoïse, lentement, fait dissoudre l'ego. Alors, ça crée une sérénité, ça crée un calme. Mais en même temps, il va pouvoir conserver plus d'énergie et il va pouvoir engendrer un double éthérique. Quand on a un double éthérique, si le corps physique est altéré ou s'il meurt, bien là, on va dedans, le double éthérique. Les parties évoluées gagnent le monde de la mort, mais on n'a rien à foutre. Et puis là, si on se réincarne, effectivement, on se rappelle de qui on était. Pourquoi certaines inventions géniales, comme la génératrice autodynamique, restent-elles dans l'oubli? N'est-ce pas le temps pour l'humain de l'utiliser présentement? Mais non! Tout à l'heure, je l'ai dit. Le bonheur est interdit. La facilité est interdite. La joie, c'est interdit. On ne peut pas. On s'arrange même pour devenir des adultes à un moment donné où on doit se saouler la gueule par du plaisir. Comme ça, on n'a jamais un véritable plaisir. Le moteur à eau de mer a été inventé depuis longtemps. Ça a été acheté par une des grosses compagnies de pétrole américaine, la plus grosse. Amoco. Oui. Et il y a énormément d'inventions comme ça qui existent déjà. Je travaillais avec une personne, à un moment donné, on voulait s'arranger pour qu'avec du gaz propane, fabriqué à partir de certaines matières, qu'on se servait dans les mines, dans les mines avant, tu mets de l'eau là-dessus, ça réagit, ça crée du propane, faire fonctionner un moteur. Et lui, il savait très bien que s'il réussissait à le faire, sa vie était pour être en danger. Mais son idée était de le fabriquer pour le vendre à une compagnie de pétrole. La Terre, présentement, s'il y aurait de la facilité, vous cesseriez, pour la majorité de tous, d'évoluer. Ce n'est pas le temps. Tant que l'humain, parce que la majorité de l'évolution humaine est basée sur une seule idée, fuir la souffrance. Quand l'humain aura des raisons intelligentes d'évoluer, on parlera de plusieurs humains, ceux-là auront accès à des choses que les autres n'auront pas accès. Raison intelligente d'évoluer, raison écologique d'évoluer, raison conséquentielle d'évoluer, pas raison émotive d'évoluer. Quand est-ce que les gens pensent à Dieu quand ils sont dans la merde? C'est ça. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il est placé dans le contexte. On parle toujours de Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, les pieds de Dieu dans le monde astral. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est ça? C'est pas la merde à boire. Comment expliquer la manipulation des Amérindiens maintenant? On en a parlé. Il y a beaucoup de réincarnations d'anciens guerriers qui viennent là. Ils vont s'associer, parce que la meilleure façon d'associer un peuple, c'est de le faire se battre contre un danger plus grand qu'eux-mêmes. Alors, le peuple s'associe, les Québécois vont s'associer. Il n'y aura pas nécessairement d'effusion de sang à outrance, c'est problématique. Mais vous savez qu'à un moment donné, on dirait dialoguer comme cha-cha, il a beau essayer, mais tout ce qu'il peut faire, c'est danser. C'est assis, en tout cas. Ouais. Mais il n'a pas le choix. Parce que il y a un Indien qui a tout traduit et il a raison. Il peut faire la danse de la paix, peut-être? Oui, mais il a raison, l'Indien. Non, la hache de guerre, ils peuvent même pas l'enterrer, ça fout ce qu'elle est. Bon. Mais l'Indien avait raison. Pourquoi ça s'éternise? Il n'y a pas de chef au fédéral qui s'en occupe, il n'y a pas de chef au provincial qui s'en occupe, puis il n'y a aucun chef chez les Indiens. Mais c'est nécessairement. Il y a les Warriors d'un bord, il y a les Pacifiques de l'autre, il y a les Indiciens d'un bord. Il n'y a pas de chef nulle part. Les deux peuples sont en train de se forger. Il y a des choses qui vont arriver, mais présentement, ça se vit, donc c'est préférable de ne pas trop en parler. Si un parent meurt, peut-on faire en sorte que ses mémoires ne puissent se réincarner chez soi? Comment? Oui, mais première chose, évidemment, c'est de ne pas accepter aucun héritage. Parce qu'on prend le karma de l'autre, on en a déjà parlé un peu. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que soyez ce que vous êtes vous sans trop vous casser la tête, ce qui normalement va venir quelque chose qui est en harmonie avec vous. Donc, ça va vous énergiser, ça va vous nourrir, ça ne vous créera pas de problème. Alors que si vous décidez de changer, comme la personne qui pleure, qui souffre, normalement on pleure et on souffre tout le temps de la redigestion de ce qui a rentré. Alors, plus vite on est heureux, plus vite on va ramasser uniquement les autres parties de l'individu, puis normalement, il y a plus de basses parties chez l'humain actuellement que de hautes. Donc, c'est plus rapide la réincarnation, la digestion, puis on se sert des énergies de l'autre, l'autre se sert de nous aussi, tout va bien. Tout comme les prénoms, les noms ont une signification. Ont-ils une signification? Absolument, ça désigne la lignée génétique. Une fille Teflon de 14 ans qui est attachée à sa mère, mère lui donnant de mauvaises influences, doit-elle être séparée d'elle? Ça me regarde pas. C'est dommage, mais s'il vous plaît, ne donne jamais de conseils. Veux-tu expliquer l'écusson sur le livre de Seth? L'emblème. Oui, vous pourrez peut-être demander à une personne à la sortie ou... Ils vont dire, vous demanderez à Daniel. Ouais, c'est ça. Non, ben je vais juste traîner un petit peu ici. La personne qui pose la question, je lui expliquerai rapidement. Vu que la conférence est finie. En attendant, ben arrangez-vous pour vous amuser. Je le dis souvent, souriez, vous êtes aux insonances du monde astral et c'est donc vrai. Attends un petit peu, mes annonces. La semaine prochaine, 27 juillet, qui sera le grand monarque? Bonne semaine. C'est pas lui. Pense pour moi. Trop petit.